Un mot à inventer. Un mot à inventer pour tenter de décrire, caché dans l'interstice. Peut-être y fait-il chaud, ou bien, larmes retenues, on y crève d'être seul. Un mot à inventer pour ces minutes longues à contempler le vide, où l'on tente l'approche, osant tracer les lignes avant de s'y noyer, sauf à pouvoir rejoindre.